Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre matinale. Aujourd'hui, nous commençons par un thème qui a l'air très technique mais qui concerne absolument tout le monde, l'impôt. L'impôt, on en parle souvent pour dire qu'il est trop élevé, trop compliqué, mal utilisé. Mais derrière ces discussions du quotidien, il y a en réalité un enjeu immense. L'impôt est-il seulement une contrainte ou est-il avant tout un outil de solidarité? Pour répondre à cette question, j'accueille notre invité du jour, Raphaël, auteur de l'article que nous allons explorer ensemble. Bonjour. Bonjour. Alors Raphaël, la question semble basique, mais qu'est-ce que l'impôt? L'impôt est avant tout une contribution financière obligatoire que tous les citoyens versent à l'État. Il sert à financer des services publics essentiels comme l'éducation, la santé, la sécurité, les infrastructures et l'aide sociale. Sans impôt, aucun de ces services n'existerait sous leur forme actuelle. Mais l'impôt n'est pas seulement une source de financement, il joue aussi un rôle fondamental dans la réduction des inégalités. Par exemple, l'impôt sur le revenu est progressif. Plus on gagne, plus le taux d'imposition augmente. Cela permet de financer des aides aux ménages les plus modestes, comme les allocations, les bourses scolaires, comme certaines prestations familiales. La redistribution est donc au cœur du système fiscal. Merci pour cette présentation, mais entrons dans le vif du sujet. L'impôt est souvent mal perçu, mais peut-il être injuste ? Oui, certains impôts peuvent être perçus comme injustes, par exemple la TVA, qui est un impôt proportionnel, payé par tout le monde au même taux, quels que soient les revenus. Elle pèse donc davantage proportionnellement sur les ménages modestes. D'où l'importance de trouver un équilibre entre les impôts progressifs et les impôts proportionnels. L'impôt est indispensable, mais il doit être lisible, compréhensible et adapté aux besoins de la population. Beaucoup de gens ont le sentiment de payer trop ou de ne pas savoir où va l'argent. Pourtant, une fiscalité bien expliquée et bien appliquée permet de financer une société plus solidaire. Merci beaucoup pour ces éclairages. On voit que l'impôt est loin d'être seulement une obligation désagréable. C'est aussi un choix collectif, un outil qui permet à chacun d'accéder à l'éducation, aux soins et à la sécurité. Mais pour qu'il soit accepté, il doit être compris, transparent et perçu comme juste. Merci Amy et merci à Raphaël. Pour ce nouvel épisode, on retient une idée simple. L'impôt n'est pas qu'une affaire de chiffres, c'est une affaire de société. Et c'est exactement ce qu'on va continuer d'explorer dans les épisodes suivants.